Nurgle de Troll, c'est terminé. Et on enchaîne au platine cette fois. Fini le live ordi. On continue au platine avec Widget. Widget donc qui revient dans l'émission. Widget Miseroid. Il est au platine déjà. Et c'est parti. La soirée n'est pas terminée. Le seul petit bémol de la soirée, ce sera que Armageddon ne viendra pas. Defray sera là, mais Armageddon ne sera pas là ce soir. On s'en excuse, mais la soirée n'est pas terminée sur Electron Libre. Toujours en Tendoc avec Widget. c'est Kams qui a pris le relais. Donc Kams et Calibre HK, Demiseroid, en ping-pong, au platine, électron libre, en tendoc. Thank you. Thank you. Il y en aura bien plus. Thank you. toujours Calibrashka et Kams sur Electron Libre Antenne Doc. La soirée n'est pas terminée. Thank you. missile for WSRT, spin up all missiles. Thank you. Fatah. Enemy. petit passage de Defray au platine, toujours sur Electron Libre Antenne Doc. Et bah, peut-être qu'il continue et peut-être pas. C'était Defray. On enchaîne toujours, platine.